You. is there inside something wrong with you? Cause there is always something wrong with you. Cause there is something always wrong with you. There is always something wrong with you. This place. Something always wrong with you. There is something always wrong with you. Cause there is something always wrong with you. Yeah. Yeah. Up in the morning, sunlight on my face, dreaming. No financial souci. Le soleil in the forest, in the city. Far from city. I don't see the time going on. I don't see the time going on. When I do the same. I'm alone. Thank you. Tu veux un son là? Tu veux que je laisse un son comme ça? Dis-moi stop. Enfin, dis-moi celui que tu veux. Prêt à prendre des années au placard ou une balle. C'est peut-être sale parfois, mais moi je respecte ça. Autant que celle qui m'a vu grandir. Mon rôle, ce rôle de mère et de père quand ce dernier était parti. Mon love à celle qui m'a fait. Quoi qu'il se passe ou qu'il advienne, jamais j'oublierai ce qu'elle a fait. Je respecte ceux qui sont partis de rien. Auront fait parler de que ce soit en mal ou en bien. Artistes, bosseurs, nerfs et criminels. Oh, c'est plus fort que nous. C'est plus fort, c'est plus fort que vous. C'est plus fort que tout, on respecte ça. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que tout, on respecte ça. Moi et la rue, ça a été le coup de foudre. Un truc du genre captivant, passionnant. Et puis, je l'aimais éperdument. De quoi donner la chair de poule à ce qui doute. Elle restera dans mon esprit en son nom, j'agis coûte que coûte. Je gâche ma vie sur ma voix et cause de cœur à cœur. La nature sur son cours et ma voix. Le bonheur à quoi je dois renoncer pour la voix. Je fais honneur à la zone, trésor. Là où je vis, les gens acceptent leur sort. Donc pas d'affolement, y'a pas de quoi prendre confiance. Il suffit d'être en paix avec sa confiance. Énervé de pas le dire à ses souvent proches, comme on les aime. Énervé de pas le dire aux proches qui vendent toutes les grandes richesses. On remet ça au lendemain, puis oublie pourtant le passé fort hier. Impression de danser sur une poudrière. On occupe le sol. Un jour ou l'autre, on frappe à l'éveil, la colère, mon pote. C'est la haute veille, ne couper des vivres. Donc, comment veux-tu connaître belle mine? Comment veux-tu connaître belle rime? Que nos mots s'attendrissent, que nos yeux pétillent et que nos visages s'illuminent. Si tu comprends pas tout, j'ai de lire entre les lignes. Oh, comment veux-tu qu'on veut de belles rimes? Comment veux-tu que nos mots s'attendrissent, que nos yeux pétillent et que nos visages s'illuminent? Que nos yeux pétillent et que nos visages s'illuminent. Oh, comment veux-tu? Nos yeux pétillent avec nos visages illuminants. Nos yeux pétillent avec nos visages illuminants. c'est plus fort que vous. C'est plus fort, c'est plus fort que tout. On respecte ça. On est là, prêt pour l'alerte. Donnez-la, tout le soutien qu'on nous apporte. Je respecte sa force, sans savoir comment être à la hauteur. Repousse les limites et laisse parler le cœur. On bloque des heures, je respecte la volonté de faire. De ceux qui agissent avec sida ou cancer. Je respecte la pute qui tire sur le mec qui veut la maquer. Et c'est ça le gosse, que tu veux pas te saquer. Je le respecte, moi. Ceux qui agissent avec le cœur amant leurs intérêts. T'inquiète, on ne les laissera pas t'interner. Ils comprennent que ceux qui en ont, ils en ont pas. Nos problèmes, ceux qui sont pleins d'oseilles s'en branlent. Peut pas croire qu'on m'en dit, qu'on attend des mains tendues ou des regards attendris. Ma famille avant tout et le Seigneur. J'respecte cette putain de vie pour le pire et le meilleur. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que tout. On respecte ça. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que tout. On respecte ça. Comment veux-tu que nos visages s'illuminent? Comment vis-tu nos visages illuminent? Comment veux-tu que nos yeux pétillent et que nos visages illuminent? Dans un monde où ils nous coupent des billets. Comment veux-tu que nos visages s'illuminent? Comment veux-tu que nos yeux pétillent? Dans ce monde où ils nous coupent des billets. Ils veulent nous couper des vivres. Veulent nous couper des vivres. Comment veux-tu que nos visages s'illuminent, que nos yeux pétillent? Lorsque l'on voit ces choses-là, que nos yeux pétillent. La haute veut nous couper des vivres. Seul de la haute veut nous couper des vivres. Seuls de la route veulent nous couper des vivres. Comment veux-tu qu'on ait belle mine? Oh, route veulent nous couper des vivres. Seuls de la route veulent nous couper des vivres. Comment veux-tu que nos visages s'illuminent? Oh, c'est plus fort. Certains pourraient te frapper si fort, encore et encore, que t'en puisses plus de la vie. Et leur implore même la mort. Ça tire, ça vole, ça est-ce qu'on pourrait s'en. Ça pense de jour comme de nuit, ouvrir des coffres ou se faire une banque. Les salauds, les miens, c'est peut-être salaud, mais on sait à tout. Même à nos vies, tiens. Faire business, gangster de toi. Les sœurs astérisques dans X ou front le trottoir. C'est quoi sous toi de toi, un journaliste juste se frotte les mains. T'es pas dans moi, nous, qu'un coup choix. Perdre sa liberté, histoire que les miens ne soient plus dans le besoin et retrouvent leur fierté. Créer un père de nez au placard ou une balle, c'est peut-être ça, parfois, mais moi je respecte ça. En tant que celle qui m'avait grandi, aura joué ce rôle de mère et de belle enseigne était parti. Celle qui m'a fait, quand qu'il se passe que lui, tout ce qu'elle a fait, je respecte ceux qui sont partis de rien. On fait pas les deux que ce soit en bas de moi. Et puis, je l'avais perdu main, quoi de la chair de poule, à ce qu'il doute. Elle restera dans mon esprit, elle songe, j'y coûte que coûte. Là, je m'avise sur ma foi et cause de cœur à cœur. Je me souviens de ma voix, qu'on pense des risques majeurs. Là, sûr, suis son cours et non ma voix. Mon bonheur, là. C'est pour l'avoir, je veux savoir le bonheur à quoi je dois penser pour l'avoir. Le bonheur à quoi je dois penser. c'est pour l'avoir. Je veux savoir le bonheur à quoi je l'en monte, c'est pour l'avoir. Je veux savoir le bonheur à quoi je l'en monte, c'est pour l'avoir. Et la nature suit son cours, et la nature suit son cours. C'est pour la voix. Oh. Je ferai honneur à ma famille, à l'honneur à mes gens qui m'aiment. Je ferai honneur. Je ferai honneur à ma famille, à tous les gens que j'aime. Je ferai honneur à la famille, à tous les gens que j'aime. Je ferai honneur à la famille, à tous les gens que j'aime. Je ferai honneur à la famille, à tous les gens qui le méritent. Je ferai honneur à tous les gens qui le méritent. comme on les aime. Énervé de pas dire qu'il va toutes les grandes richesses. Remis ça en lendemain, puis oublie, pourtant le passé fort hier. Pression de danser sur une poudrière. Pression de danser sur une poudrière. Pression de danser sur une poudrière. Pression de danser sur une poudrière. Pression de danser sur une poudrière. s'intéresse. T'inquiète, on ne laissera pas d'un dernier. Ceux qui ont engagé dans l'ombre, dans l'ombre, dans l'ombre. Dans l'ombre, méritant bien plus que ce qu'ils ont. Dans l'ombre, ils subissent ce qu'ils ont. qu'ils ont, dans l'ombre subissent ce qu'ils ont, à la force de dans l'ombre méritant plus que ce qu'ils ont, on va la force de se battre, dans l'ombre subissent ce qu'ils ont, on va la force de se battre, dans l'ombre méritant plus que ce qu'ils ont, dans l'ombre subissent ce qu'ils ont, on va la force de se battre, dans l'ombre méritant plus que ce qu'ils ont, dans l'ombre subissent ce qu'ils ont, dans l'ombre avec un cœur énorme, jamais mis en avant, jamais même regardé, ne vois pas l'énergie qui est présentée. Son cœur, ils ont plus que ce qu'ils, plus qu'ils, ce qu'on ne voit pas, ce qu'ils ne montrent pas. Timide, des gens humbles. Dans l'ombre méritant plus que s'ils ont, dans l'ombre subissent ce qu'ils ont. De se battre dans l'ombre méritant plus que ce qu'ils ont, dans l'ombre subissent ce qu'ils ont, on bat la force de se dans l'ombre.